Bonjour, bonsoir, c'est Mathieu. Aujourd'hui, exceptionnellement, pas de petite histoire. Mais on vous en prépare plein pour février. Deux d'entre elles ont été inspirées par vos idées. Grâce à Nolan, vous découvrirez une histoire avec des brigands des mers patibulaires. Et grâce à Lou et Nora, vous aurez droit à l'aventure d'un enfant qui, à force de faire des tours de magie, obtient de vrais pouvoirs. Il y aura aussi l'histoire de deux copines qui vont tout faire pour ne pas être séparées à cause d'un déménagement. Et vous pourrez écouter une nouvelle version du Collectionneur de Flocons, l'une des premières histoires du podcast. On l'a entièrement réécrite et réenregistrée afin de la rendre encore plus chouette. Et en plus de tout cela, chaque mardi, vous aurez une très petite histoire. En attendant de découvrir toutes ces nouveautés, je vous propose de patienter en écoutant l'une de nos histoires. Vous pouvez également en profiter pour nous noter et nous laisser un commentaire si votre application de podcast le permet. Ça nous donne énormément d'énergie. À la semaine prochaine!